Bien, nous sommes dans cette période du temps pascal qui s'étire entre Pâques et la Pentecôte, en passant par la fête de l'Ascension que nous célébrerons dimanche prochain. C'est la période où Jésus, après sa résurrection historiquement, s'est montré et s'est caché aussi, un peu joué à la cachette avec ses apôtres, jusqu'à ce qu'il remonte au ciel d'où il est venu pour achever son sacrifice, qu'il soit agréé auprès du Père et que la bénédiction de ce sacrifice descende sur l'humanité, c'est-à-dire la Pentecôte, le don de l'Esprit-Saint sur l'Église. Dans cette période, eh bien, la liturgie reprend des textes qui date d'avant la mort de Jésus, mais qui sont comme une catéchèse pneumatologique. Ça va? Beau mot, hein? Après des années de séminaire, il faut sortir des beaux mots de temps en temps. Alors, pneuma, en grec, ça veut dire souffle ou esprit. C'est un enseignement sur la vie dans l'esprit. Parce que Jésus est sur le point de quitter ce monde. Mais ce départ est un avantage pour les apôtres et pour l'Église. Il le dit très clairement, c'est un avantage pour vous que je parte. Mais les disciples, eux, sont tristes parce qu'ils savent que dans le Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. Comment se pourrait-il être un avantage que Dieu fait homme, qui prêche, qui fait des miracles, soit un avantage pour l'Église et pour l'humanité? Eh bien, c'est le mystère de la sagesse de Dieu qui va se déployer et c'est l'Esprit-Saint, en fait, qui va faire de l'Église un nouveau corps du Christ. Jésus l'avait dit clairement, « Vous ferez des choses plus grandes que moi encore. » C'est-à-dire que dans son individualité historique, Jésus était limité à l'espace-temps. Et Jésus était présent devant les apôtres, mais il n'était pas dans le cœur des apôtres. Mais en montant au ciel et en faisant redescendre l'Esprit-Saint sur ses apôtres et tous les croyants, eh bien c'est comme si Jésus se multipliait lui-même, se multipliait au nombre que nous sommes, nous les membres de son corps. Alors, tous ces chapitres 14, 15, 16, c'est comme un grand discours d'adieu qui est très émouvant. Et Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et pour consoler les apôtres, il leur dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. C'est tout le paradoxe de ce discours, d'une rupture, mais en même temps d'une continuité. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Pourquoi un autre défenseur? Eh bien, le premier, c'est, nous dit Saint Jean dans sa première lettre, Jésus-Christ le Juste. Il est notre avocat, notre paraclet, parce qu'il est mort pour nos péchés et par conséquent, aucun accusateur ne peut nous condamner, car nous sommes devenus des justes par grâce. Saint Paul dit dans un passage dramatique de l'Épître aux Romains, chapitre 8, « Qui sera contre nous si Dieu est pour nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nos fautes. Quel don ne pourrait-il nous faire ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis et justifiés ?» C'est comme s'il disait dans la balance, « Satan a mis tout le péché du monde, mais moi, je mets Dieu, le Fils, qui est mort pour nous. » Donc, au jugement du monde, l'accusateur, eh bien, ne fait pas le poids parce que Dieu a mis son propre poids divin dans la balance. Et cet Esprit-Saint va continuer cette œuvre de justification. Toute la vie de l'Église est un passage, comme les Hébreux sont passés de l'Égypte à la terre promise, d'un état de péché et de condamnation à un état de justice et de grâce. Et cet Esprit-Saint sera pour toujours avec vous. Jésus est resté apparemment 33 ans sur la terre, et puis encore une fois, son action était limitée. Mais cet Esprit-Saint eh bien, sa présence sera universelle et éternelle d'une certaine manière, en tout cas jusqu'à la consommation des siècles. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne connaît pas, car il ne le voit pas et ne le connaît pas, parce qu'il n'a pas la foi. Tant que le monde ne croit pas que Jésus est notre défenseur, eh bien, il ne peut pas recevoir cet Esprit Saint. Et c'est lui qui vient habiter dans nos cœurs. Le Christ vient habiter dans nos cœurs par la foi, par cette puissance du Saint-Esprit. Je lisais un théologien récemment qui disait, voyez comment les apôtres qui ont passé 3 ans de ministère avec Jésus l'ont entendu prêcher, l'ont vu faire des miracles, eh bien, ils étaient toujours aussi bouchés. Jusqu'à la veille de la Pentecôte, ils pensaient qu'il allait rétablir le royaume en Israël et chasser les Romains. Et Jésus leur dit, eh bien non, vous allez recevoir une force d'en haut et vous serez mes témoins. C'est seulement à partir de la Pentecôte que les apôtres deviennent vraiment chrétiens. Pourquoi? Parce que cet esprit fait que Jésus n'est plus devant eux, mais il est en eux. Et cette œuvre beaucoup plus intime, beaucoup plus puissante, eh bien, en un instant, produira une transformation qui n'a pas pu se réaliser en 3 ans de ministère avec le Christ. Jésus n'est plus devant moi, il est en moi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Aucune personne ne peut réaliser ça, aucune personne humaine. Même le couple humain, dans son intimité la plus grande, ne peut pas faire en sorte que l'autre habite en moi et moi en l'autre. Certes, j'ai dans mon cœur de l'amour pour la personne, mais elle n'habite pas ontologiquement dans mon cœur. Mais voilà ce que réalise l'Esprit Saint. Cette personne, frères et sœurs, habite réellement vos cœurs par la foi. Ce n'est pas Dieu qui a saupoudré des grâces sur nous. Non, la personne de l'Esprit Saint habite mon cœur et permet à la personne de Jésus d'être comme un deuxième sujet de mes actions, comme une âme de surcroît. Donc Jésus n'est plus limité par l'espace et le temps. Sa présence est intérieure, elle est pour tous les temps. Et aussi, les actes des apôtres nous montrent un autre aspect de l'action de l'Esprit-Saint à laquelle on s'est habitué, mais c'est le fait que l'alliance de Dieu avec les hommes s'est élargie, parce que jusqu'à la Pentecôte, eh bien, l'alliance était pour les Juifs. Mais on se rend compte que même les Samaritains ont pu recevoir l'Esprit-Saint. Les Samaritains, pour les Juifs, c'est des bâtards. C'est vraiment les peuples qui méprisent le plus religieusement. Mais ils s'aperçoivent que maintenant, on n'est plus devenus des justes par l'observance de la loi de Moïse, mais par la foi en Jésus-Christ. L'Esprit-Saint va comme non seulement démultiplier la présence de Jésus parce qu'il est là pour toujours, parce qu'il est dans les cœurs, mais il va comme faire sauter un verrou qui limitait cette alliance à un seul peuple. Et maintenant, c'est toutes les races, tous les peuples, toutes les nations qui sont appelées à la même foi, à la même espérance et au même salut. Alors, frères et sœurs, en ce temps où nous nous préparons à célébrer la Pentecôte, eh bien, acceptons avec Marie toujours plus intimement cette présence de l'Esprit Saint. C'est celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Cette personne de l'Esprit-Saint, c'est la personne amour, c'est la personne don. C'est elle qui nous permet de comprendre que le Père est en Jésus, que Jésus est dans le Père, et que nous sommes en eux. Seul l'amour de Dieu peut réaliser ces inhabitations réciproques et faire de nous le corps du Christ, le sacrement de Jésus. J'arrive de la montée jeunesse à Sherbrooke. Il y avait à peu près 300 jeunes de tout le Québec qui étaient réunis. Puis il y avait un jeune homme qui vient à la paroisse depuis 2 semaines. Je l'ai rencontré, quelqu'un me l'a présenté, il n'était jamais rentré dans une église, il ne connaissait pas Jésus, il n'avait jamais ouvert la Bible. Et alors, depuis 2 semaines, il a les yeux écarquillés, il découvre des choses inouïes. Et il est allé à cette montée jeunesse et puis il a dit, mais j'ai jamais rencontré un groupe de gens aussi joyeux, aussi aimables, aussi simples. Eh bien, frères et sœurs, c'est cela la pneumatologie. C'est que l'Esprit Saint fait que nos pauvres personnes sont des signes que le Christ est vivant. Souvent, on s'en rend pas compte et c'est plus souvent par une assemblée rassemblés que cette puissance se réalise. Combien de jeunes sont venus dans cette église et ont rencontré le Christ mystérieusement? Eh bien, parce que nous sommes assemblés en son nom, parce que nous célébrons sa liturgie, parce que nous écoutons sa parole, parce que nous sommes tous habités par cette présence de l'Esprit Saint, eh bien, d'autres hommes et de femmes de notre monde peuvent découvrir Jésus, peuvent être aimés du Père, peuvent découvrir que l'Esprit Saint peut transformer leur vie, guérir leur cœur et leur mémoire, venir habiter dans leur corps comme dans un temple, donner un sens à notre vie et faire de cette petite portion d'humanité que nous sommes un sacrement de Jésus ressuscité, c'est-à-dire un signe efficace qu'il aime le monde et qu'il est avec nous pour toujours. Amen.